n'y a plus qu'à attendre que le temps passe. Et mon ennui semble ne pas avoir de fin. J'ai l'impression que plus rien de bien ne m'arrivera. Que le mieux que je puisse espérer est que le temps ne me semble pas trop long. Les meilleurs moments sont derrière moi. Je crois bien que c'est le désespoir que je ressens à présent. J'aimerais sortir de là. Cela fait tant d'années que je n'ai pas tenu une fille dans mes bras. J'aimerais à nouveau aimer, ressentir la joie d'avoir une fille qui m'aime tout à côté de moi. Je me sens dépossédé, diminué. Je pense encore souvent à me suicider. J'ai essayé une fois, mais je me suis raté. Comment vous faire comprendre que la vie n'a plus rien à m'apporter? Je n'ai plus de passion et je ressens l'ennui et la dépression. Connaîtrai-je à nouveau l'amour? Cela me serait d'un immense secours. J'aimerais tant me sortir de là. Je rêve la nuit et je rêve le jour. Éveillé ou endormi, je n'aspire qu'à revivre. Et pour cela, il me faudrait peut-être mourir. Il y a tant de jolies filles qui semblent pleines de vie. Moi, je me sens seul comme un mort vivant qui s'enfonce dans des sables mouvants. Je me demande comment me sortir de là. Je glisse sur toutes les mains tendues. Je les tends également, espérant qu'on me sorte de là. Mais ma peine est plus noire que vous le pensez, et rien ne semble plus pouvoir me sauver. J'essaye d'y croire encore, me dis que tout n'est pas mort. Chaque jour j'essaie et chaque jour j'échoue. Je suis perdu et personne ne me tue. Il me reste tant de temps à vivre. Et pourtant, j'espère mon dernier soupir. Je voudrais mettre un point final à toute cette misère. Tirer un trait sur cette absence de vie. Je voudrais mourir, je voudrais vivre. Je suis mort et vivant à la fois. Je voudrais que les choses soient claires. Être mort pour de bon ou vivant mais totalement. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à séduire une fille? Il y a quelque chose en moi de cassé. Quelque chose que j'ai perdu, mais quoi? Je ne le sais pas. Je suis triste et n'arrive pas à me sortir de là.